nous avions besoin d'une vie que la mort ne pouvait pas enlever. Et nous l'avons reçue grâce à la croix de Jésus-Christ. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Qu'avez-vous le plus besoin aujourd'hui? D'encouragement, de réconfort, de force, de guérison? Quelle que soit la nature de votre besoin, Charles Stanley nous rappelle que la réponse à notre besoin présent se trouve en Jésus-Christ. Il semble difficile de comprendre comment la mort d'un homme il y a 2000 ans exerce une influence sur cette relation qui vous donne du fil à retordre ou sur vos finances. Or, aujourd'hui, Charles Stanley vous propose une étude de l'Épître aux Colossiens au chapitre 2. Le texte démontre que la crucifixion de Jésus vous accorde beaucoup plus qu'une place au ciel. Elle vous propose dès maintenant une vie renouvelée. Restez avec nous pour avoir une idée plus précise de ce que représente véritablement la croix. Voici notre enseignant, Charles Stanley. Une personne morte spirituellement se trouvera totalement désemparée devant les choses de nature spirituelle, et elle ne pourra donc rien faire en ce qui les concerne. Elle ne peut se pardonner à elle-même, par exemple, ou elle ne peut se mettre en règle avec Dieu. Bref, elle est sans ressources. Or, quand Dieu voit la colline du calvaire et qu'il contemple la croix, il se réjouit, car il la considère à la lumière de la condition absolument désespérée de l'homme. Il sait que la croix est l'ultime remède. Quand le Père observe la croix, il voit son Fils remédiant notre condition comme personne d'autre ne pouvait le faire. Et aucun autre événement dans toute l'histoire de l'humanité ne pourra jamais régler notre situation comme Jésus l'a fait. Car il fallait quelqu'un sans péché, comme lui, et toute personne est née avec le péché. Nous avons donc une dette envers Jésus, dette que nous ne pouvons payer. Dieu, reconnaissant que tous les hommes et toutes les femmes naissent dans le péché, savait qu'il devait résoudre lui-même le problème du péché ou alors laisser l'homme dans sa condition pécheresse. La dette du péché devait être payée, comme l'indique clairement la loi de Dieu écrite dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 4. « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Dieu ne violera jamais sa propre parole. Il n'y sera jamais infidèle. Il ne sera jamais incapable de tenir sa promesse, pas une seule, car alors il ne serait plus le Dieu parfait et fidèle que nous connaissons, et nous ne pourrions plus nous fier à lui. Or, il est le même aujourd'hui, hier et à jamais. Il est absolument saint, et, s'il est absolument saint, il ne peut pas violer sa propre loi. C'est pourquoi il est totalement faux de prétendre que tout ce que Dieu a à faire, c'est de dire « Bon, je sais que tu as péché contre moi, mais si tu me demandes de te pardonner, alors ça va, je te pardonne. » Non, ce serait trop facile. Nous sommes pardonnés à cause des dispositions qu'il a prises. Et ces dispositions nous conduisent toutes à la croix de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a accepté de se faire crucifier, il a complètement acquitté la dette de notre péché. Et quand, par la foi, nous le recevons personnellement comme notre sauveur personnel, la même puissance de résurrection qui a sorti Jésus-Christ du tombeau devient la nôtre et celle de tout croyant. Ceux d'entre nous qui étaient morts par leurs offenses et leurs péchés, il les a rendus à la vie avec lui. Et maintenant, ils ont la vie de Jésus-Christ en eux. Quand nous recevons personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, cela ne nous tombe pas du ciel. Jésus-Christ, en nous donnant sa vie, vient vivre à l'intérieur de chaque enfant de Dieu. Il devient notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître et notre vie. J'aimerais maintenant vous poser une question extrêmement importante. Si vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, que garderez-vous après cette vie? Absolument rien. Si vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous devez vivre avec votre péché et vous devrez mourir avec. Et la personne que vous rencontrerez au jour du jugement est Jésus-Christ lui-même. il est la seule personne apte à vous juger. Car personne d'autre sur cette planète, dans le passé, le présent ou l'avenir, ne peut ni ne pourra régler la dette de votre péché. Or, Jésus-Christ l'a fait pour vous. En mourant sur la croix du calvaire, il a complètement acquitté la dette de votre péché, et vous avez maintenant accès à une qualité de vie que même la mort ne pourra jamais vous enlever. La mort ne peut pas toucher à cette vie, car nous parlons ici de la vie éternelle. Nous parlons ici de la vie du Christ ressuscité qui subsiste maintenant à l'intérieur de tous les enfants de Dieu. Cette vie qu'il nous offre ne cessera jamais, car elle est éternelle dans sa nature même et elle constitue le don de Dieu accordé à ses enfants. C'est de cette vie dont l'apôtre Paul parle dans cette épître. Quand nous considérons la croix selon la perspective de Dieu, nous comprenons que ce plan de rédemption de Dieu pour l'humanité est un temps de victoire, de triomphe pour le royaume de Dieu. Écoutons donc ce que l'apôtre Paul a dit à tous ceux et celles qui ont reçu cette vie lorsqu'il s'adresse à eux dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Pour comprendre l'entière signification de ces paroles, nous devons les replacer dans leur contexte. Je vous invite à remonter 20 siècles dans le temps afin d'en obtenir une idée précise. Quand une personne devait de l'argent, ou si elle commettait un crime, la nature de cette dette, financière ou envers la société, devait être inscrite sur un parchemin signé de sa main, et qui reconnaissait que la personne avait contracté cette dette. S'il s'agissait d'un crime, la nature de l'offense y était inscrite, et la personne signait le parchemin. Cela constituait une affirmation ou une confession de son crime et une reconnaissance de sa dette envers la société. Cependant, si la personne pouvait bénéficier d'un pardon, elle voyait sa dette annulée. Ses créanciers rayaient sa dette ou l'effaçaient. Cet acte était souvent accompli de la façon suivante. Le créancier prenait le parchemin et le clouait sur la porte de la maison où vivait cette personne. Et si les gens venaient à passer devant cette maison, ils pouvaient voir l'inscription sur la porte, la lire, comprendre de quoi il s'agissait et constater que cette dette était désormais réglée. Le fait de clouer le parchemin sur la porte signifiait que la dette n'existait plus. Tout était annulé ou pardonné. En gardant tout ceci en tête, révisons Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Pourquoi le Père conçoit-il la croix différemment de nous? Parce qu'il voit l'événement tel qu'il est vraiment. Le Père, en regardant la croix, la voit d'une façon beaucoup plus profonde. Il voit au-delà des simples apparences de son Fils crucifié, agonisant au bout de son sang. Il observe son Fils uniquement engendré, Jésus-Christ, porter sur ses épaules tous nos péchés, passés, présents et futurs. Et en mourant à notre place, Jésus a mis la dette de tous nos péchés sur son compte. Il en paie la note. Et en plaçant notre péché sur son compte, il l'efface. La crucifixion de Jésus a annulé le certificat de dette émis contre nous. Toutes les violations des commandements de Dieu et de la vérité de Dieu, tous les péchés dont nous étions trouvés coupables, se trouvent sur cet acte, ce parchemin cloué à la croix. Aussi, quand Jésus-Christ a été cloué à la croix, notre dette de péché a été complètement annulée. Elle n'a pas été effacée ou rayée avec de l'encre ou de la peinture noire, mais avec le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Voilà ce que ce verset signifie. Le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui votre dette et la mienne. Il l'a annulée, rayée avec son sang. Et pendant que Jésus-Christ agonisait sur la croix, au vu et au su du monde entier, que pensait d'après vous le Père éternel? Il se disait, « C'est terminé. Tout est accompli. Mon Fils a vaincu mon ennemi. Et tous les anges du ciel devaient entonner des hymnes de louange, crier de joie et glorifier la personne du Seigneur Jésus-Christ, car il avait terminé son œuvre. Il avait endossé notre dette. Il l'avait annulée une fois pour toutes. Nous ne sommes donc plus obligés d'en porter le fardeau. Nous ne sommes plus coupables aux yeux de Dieu. Pensez à tous les commandements de Dieu que vous avez enfreints. Pensez au nombre de fois où vous avez violé sa loi. Pensez à toutes les violations des principes bibliques dont vous vous êtes trouvé coupable pendant toutes les années de votre existence. Il y a 2000 ans, Dieu le Père, en connaissant d'avance tous les péchés que nous allions commettre, a mis sur son Fils le parchemin de nos offenses pour qu'il le lave de son sang. Cet acte de condamnation a été cloué à la croix en même temps que les mains et les pieds de Jésus. Et ceux qui ont mis Jésus au tombeau ont également enfoui toute notre culpabilité. Notre culpabilité et notre honte sont mortes avec lui. Par la suite, Jésus-Christ s'est présenté devant son Père. Il lui a montré le parchemin des offenses de chaque personne et a dit « Père, me voici, tout est accompli, j'ai rempli ma mission ». C'est ainsi que la dette du péché était désormais expiée, entièrement payée. Nous sommes pardonnés à jamais. Voilà la perspective de Dieu en ce qui concerne la croix. Et c'est pourquoi je vous le dis, et je vous le répète souvent, car je crois que cela est absolument essentiel. Si vous fréquentez une église dans laquelle personne ne mentionne la croix et le sang de Jésus-Christ et l'expiation de nos péchés, vous devrez en sortir au plus vite, car en vérité, il n'existe aucun christianisme sans la croix de Jésus-Christ. Christ est le début et la fin du christianisme. Il n'y a jamais eu un seul péché pardonné sans la croix, pas un seul. Et personne n'est jamais allé au ciel sans le sang de Jésus-Christ. Mais alors, me direz-vous, qu'en est-il de tous ces prophètes et de ces grands hommes de l'Ancien Testament? Ils ont apporté des sacrifices qui annonçaient l'ultime sacrifice, celui de Jésus. Ces sacrifices prenaient temporairement la place de Jésus dans la pensée de Dieu. Nous devons bien comprendre que la notion de temps pour Dieu et nous est totalement différente. Dieu voit le passé, le présent et le futur en même temps. Le temps est pour lui comme un grand, long et merveilleux événement. Dans notre verset, l'apôtre Paul nous enseigne que Dieu a réglé le compte du péché de 3 manières. Il l'a annulé, il l'a éloigné de nous et il l'a entièrement cloué à la croix. Dieu a vu son Fils cloué à la croix à la lumière de la condition de l'homme, une condition sans espoir qui rendait la croix indispensable. En voyant son Fils cloué sur la croix, il a vu un homme sur le point d'accomplir sa mission. Cette mission consistait à mourir pour les péchés du monde, afin que les humains soient pardonnés, rendus à la vie en Christ et maintenant dotés de sa vie de résurrection. Or, le plan de Dieu ne finissait pas là, il y avait plus lors de cette crucifixion. En effet, du point de vue de Dieu, la croix représente aussi la victoire sur son ennemi. Quel ennemi, me direz-vous? Le diable. Rappelons-nous que, dès la naissance de l'enfant Jésus, Satan s'était servi d'Hérode, un monarque sanguinaire, pour tenter d'assassiner l'enfant roi. Le roi Hérode n'avait pas hésité à exterminer tous les enfants en bas âge de la ville pour arriver à ses fins. Cependant, la persécution ne s'est pas arrêtée à ce moment-là. Parvenu à l'âge adulte, Jésus-Christ a rencontré une vive opposition de la part des magistrats et des chefs du peuple. Un jour, ils ont même cherché à le conduire sur une colline pour le pousser en bas, sans succès. Jésus a marché parmi eux. Que ce soit des pharisiens ou des sadducéens, ils essayaient tous de trahir Jésus. Et la veille de sa crucifixion au jardin de Gethsémané, Satan survient pour tenter un dernier effort désespéré. Or, Jésus-Christ sort triomphalement de ce piège en disant « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Une coupe de souffrance, de péché et de séparation de son Père lui était offerte et il l'a acceptée. Or, Satan, foudrage, parce qu'il avait tenté de pousser Jésus à désobéir à son Père et à haïr ses ennemis, en vain, il avait échoué sur tous les tableaux. C'est alors acharné à le tuer, qu'il meure et qu'on n'en parle plus. Rappelons-nous que Satan n'est pas omniscient. Il n'avait aucune idée du véritable sens de la mission de Jésus-Christ sur la terre. Il a donc décidé de le tuer. Satan a alors commis la plus énorme erreur stratégique de toute l'histoire de l'humanité. Dans sa rage et à cause de sa haine, il s'est laissé aveugler. Et il a pensé régler la question en tuant Jésus. Il ignorait qu'en faisant cela, il lui permettait justement d'accomplir sa mission. Il a fait une erreur incroyable. Il pensait qu'en le tuant et en le crucifiant, il le détruirait. Or, au lieu de cela, la crucifixion de Jésus-Christ a détruit la puissance de Satan. Regardons Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quelle autorité Satan avait-il? Il avait l'autorité de nous accuser et de nous détruire. Mais voilà, quand Jésus-Christ a accepté la croix, il a porté tous nos péchés et toute notre culpabilité. Et que lui reste-t-il à présent? Satan se retrouve les mains vides. Il ne peut plus nous déclarer coupables, car le Père éternel dit que la dette de notre péché a été payée par la personne de son Fils Jésus-Christ. Regardons maintenant l'Épître aux Romains, chapitre 8. L'apôtre Paul réaffirme dans ce passage notre libération de l'esclavage du péché. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Que veut-il dire par là? Il pose simplement la question. Qui peut apporter des éléments de preuve à l'encontre des enfants de Dieu? Même si le monde entier nous accusait, l'apôtre Paul nous fait comprendre que cela n'a aucune importance, car c'est Dieu qui justifie. Et comment Satan, ses puissances démoniaques, ses anges déchus et ses êtres spirituels pourraient-ils apporter des éléments de preuve contre nous? Ils ne le peuvent pas, car Dieu le Père nous a justifiés. Cela veut dire qu'il est celui qui juge ceux qui sont coupables ou non coupables, et il nous a déclarés non coupables. Comment peut-il faire cela? Parce que son Fils a payé notre dette de péché. Comme il est écrit dans le verset suivant, Romains 8, 34, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous accusera? Qui pourrait nous accuser? Comment pourrait-on nous accuser alors que le Seigneur Jésus-Christ a endossé la dette de notre péché et l'a entièrement payée pour nous? Grâce à ce sacrifice, il siège désormais à la droite du Père, et là, il intercède pour nous, les fils et les filles du Dieu vivant. Satan n'a plus aucune autorité ni aucun pouvoir sur nous. Il ne peut plus nous obliger à faire quoi que ce soit. Il est dénué de toute puissance contre nous, car elle a été fracassée à la croix. Nous ne sommes plus sous sa domination. Le seul pouvoir que Satan peut avoir dans la vie du croyant est le pouvoir ou l'autorité que le croyant lui accorde. Nous devons désormais collaborer avec lui pour qu'il puisse avoir une emprise sur nous. Il n'a plus aucune autorité, car Dieu seul détient l'autorité suprême, comme nous le rappelle la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Christ Jésus, notre Seigneur, habite à l'intérieur de chacun de nous. Il est le maître souverain de l'univers. Il vit en nous par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est assis à la droite du Père, le Dieu souverain de cet univers. C'est pourquoi Satan n'a plus aucun pouvoir sur nous, à moins que nous le lui permettions. Satan a été totalement vaincu à la croix. Il a fait une terrible erreur de calcul en croyant qu'il allait se débarrasser de Jésus-Christ en le tuant. Or, bien au contraire, il lui a permis de réussir sa mission. Et 3 jours plus tard, il a eu toute une surprise. Le Seigneur Jésus-Christ revient, les mains encore transpercées par les clous, et la seule façon dont il pouvait revenir, c'était en montant vers le Père qui a accepté et approuvé sa mort sacrificielle en paiement des péchés de l'humanité. Par son obéissance, Jésus a défait Satan, le Fils de Dieu, en portant les péchés du monde et, en revenant sur la terre, déclarait à l'humanité tout entière « Ma mission est pleinement et victorieusement accomplie. La preuve, c'est que je suis vivant pour toujours. » Nous, enfants de Dieu, avons la promesse non seulement du pardon de nos péchés, mais également de la vie éternelle. Aussi, la crucifixion représente-t-elle non seulement notre rédemption, mais elle est également synonyme de défaite pour Satan. Pour résumer, quand le Père éternel contemplait la croix, que voyait-il? Il voyait tout cela, la condition de l'homme, la mission de son Fils accomplie avec succès, nos péchés effacés, rayés et cloués à la croix. Il nous voyait dotés d'une nouvelle vie et jouissant de son pardon. Et il voyait enfin la défaite de Satan. Toutefois, cette défaite n'était rien comparée à celle qui l'attend, ainsi que nous le rapporte Apocalypse, chapitre 20, verset 10, où l'apôtre Jean nous apprend « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Satan est un ennemi vaincu. Il a subi une raclée à la croix. Il a perdu son autorité, son pouvoir et son emprise sur tous les enfants de Dieu. Il ne peut plus exercer aucune influence sur vous, à moins que vous ne lui permettiez. Comprenez-vous ce que cela signifie? Si vous avez développé une dépendance aux drogues, à l'alcool ou à quelque chose d'autre? Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous vous êtes accroché à quelque chose, peu importe quoi, vous l'êtes seulement parce que vous vous êtes laissé accrocher. Vous avez redonné à Satan un accès à votre vie alors que Dieu le Père lui avait retiré. Vous êtes devenu dépendant de cette chose, peu importe la nature de ce péché, parce que vous avez décidé librement de laisser la porte ouverte pour que Satan entre dans votre vie. Et après y avoir mis les pieds, il s'y est bâti une forteresse afin de fortifier sa position. Il est maintenant temps de remettre les pendules à l'heure. Prosternez-vous devant le Dieu Tout-Puissant et suppliez-le. Réclamez maintenant le pardon de votre péché en vertu de l'autorité du sang de Jésus-Christ. Ce sang a été répandu pour vous et pour votre pardon. Tout est déjà accompli. Vous n'avez qu'à accepter son pardon et réclamer dans votre vie la puissance de résurrection de votre Seigneur Jésus-Christ. Par cet acte de foi, toute autorité et toute puissance de Satan dans votre vie sera annulée. Réclamez votre libération, faites cesser votre esclavage, réclamez ainsi la victoire et la liberté dans votre vie simplement par la foi. Car c'est par son sacrifice que vous êtes libre. C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Aussi, quand vous aurez vraiment considéré la croix selon la perspective de Dieu, quand vous aurez la révélation de ce qui s'est passé à la croix, votre cœur se remplira de joie. Vous réaliserez que la victoire vous appartient grâce à la crucifixion de Jésus-Christ, votre Sauveur et Seigneur qui vous a tellement aimé et qui vous aimera éternellement. Et vous savourerez pleinement votre liberté. Prions. Père éternel, tu fais preuve de tellement de bonté, de grâce, de tendresse, de bienveillance, de patience, de fidélité, d'amour à notre égard. Nous voulons simplement te dire à quel point nous t'aimons. Et lorsque nous regardons à la croix de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons réellement la contempler selon ton point de vue. Nous voulons tellement qu'elle dirige, protège et conduise notre vie. Nous ne voulons pas la considérer comme une tragédie, mais comme une action absolument victorieuse de la part de notre Sauveur en notre faveur. Nous voulons te glorifier, cher Dieu, cher Sauveur, cher Esprit, pour cet amour incomparable, inexplicable et indescriptible pour nous. Et tout cela au nom de Jésus. Amen. « Aujourd'hui, Charles Stanley nous a démontré que le pardon dont nous avons tant besoin peut seulement être trouvé à la croix de Jésus-Christ. Lorsque vous acceptez Jésus, toute la puissance de Satan dans votre vie est brisée. Bien sûr, il s'agit d'une libération spirituelle avant tout. Cependant, elle est parfois accompagnée de certains avantages sociaux qui ne sont pas à dédaigner. Par exemple, avant ma conversion, je consommais de la drogue régulièrement depuis une quinzaine d'années. Cette accoutumance n'était pas envahissante au point de m'empêcher de travailler ou d'étudier, mais chaque fin de semaine, je devais m'assurer d'avoir de bonnes provisions. Une soirée de relaxation sans drogue était devenue pour moi chose impensable. Toutes mes connaissances partageaient mon habitude et je considérais avec un certain mépris ceux qui n'en faisaient pas autant. Quand Dieu, dans son incompréhensible pitié, s'est révélé à moi, tout a changé. J'ai mis en pratique avant même de le connaître ce verset d'Éphésiens, chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » En remplaçant le mot « vin » par n'importe quelle drogue moderne, le résultat est le même. Et en échangeant mon joint d'herbe pour la plénitude du Saint-Esprit, je n'ai rien perdu au change. Il m'est même arrivé de céder à la tentation à quelques reprises après ma conversion, et je l'ai regretté à chaque fois. Comparé à ma relation avec Dieu, le petit nuage de cannabis était devenu bien insatisfaisant et constituait désormais un obstacle déplaisant. Et quand nous ajoutons tous les autres avantages physiques, psychiques et spirituels de la vie éternelle, la croix de Jésus-Christ est vraiment une bonne affaire. Grâce à la croix de Jésus-Christ et à son sacrifice, nous avons maintenant le privilège de choisir de vivre notre vie dans la présence continuelle de Dieu. Grâce à cet état, nous pouvons alors expérimenter son amour quotidiennement. Écoutez-moi. Peu importe vos actions passées, si vous êtes croyant, votre position en Christ est inattaquable. Dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, Paul nous l'affirme. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.